Là, ça devrait marcher normalement, ça devrait. Ça se trouve, j'ai rien compris. Hein. Ça enregistre pas du tout. Mais là, quand on a tapé, tu vois, il y a un chiffre qui grandit. Et là, il est 785. Calibrage. Tu vois ce que ça veut dire quoi, calibrage 6, ça règle le truc. Là, ça devrait marcher normalement, ça devrait. Ça se trouve, j'ai rien compris. Ça enregistre pas du tout. Mais là, quand on a tapé, tu vois, il y a un 6 qui grandit. Et là, il est 785. Calibrage. Tu vois ce que ça veut dire quoi, calibrage 6, ça règle le truc. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage. Calibrage.